Mimi Pinson, Profil de grisette, par Alfred de Musset. Lu par Sarah. Chapitre 6. Les étudiants, non plus que les grisettes, ne sont pas riches tous les jours. Eugène comprenait très bien que pour donner un air de vraisemblance à la petite fable que le garçon devait faire, il eût fallu joindre à son envoi le louis que demandait Rougette. Mais là était la difficulté. Les louis ne sont pas précisément la monnaie courante de la rue Saint-Jacques. D'une autre part, Eugène venait de s'engager à payer le restaurateur, et par malheur, son tiroir, en ce moment, n'était guère mieux garni que sa poche. C'est pourquoi il prit sans différer le chemin de la place du Panthéon. En ce temps-là, demeurait encore sur cette place ce fameux barbier qui a fait banqueroute, et s'est ruiné en ruinant les autres. Là, dans l'arrière-boutique, où se faisaient en secret la grande et la petite usure, venait tous les jours l'étudiant pauvre et sans souci, amoureux peut-être, emprunter à énorme intérêt quelques pièces dépensées gaiement le soir et chèrement payées le lendemain. Là entrait furtivement la grisette, la tête basse, le regard honteux, venant louer pour une partie de campagne un chapeau fané, un châle retint, une chemise achetée au Mont-de-Piété. Là, des jeunes gens de bonne maison, ayant besoin de 25 louis, souscrivaient pour 2 ou 3 000 francs de lettres de change. Des mineurs mangeaient leurs biens en herbe. Des étourdis ruinaient leur famille et souvent perdaient leur avenir. Depuis la courtisane titrée, à qui un bracelet tourne la tête, jusqu'au cuistre nécessiteux qui convoite un bouquin ou un plat de lentilles, tout venait là comme aux sources du pactole. Et l'usurier barbier, fier de sa clientèle et de ses exploits jusqu'à s'en vanter, entretenait la prison de Clichy en attendant qu'il y allât lui-même. Telle était la triste ressource à laquelle Eugène, bien qu'avec répugnance, allait avoir recours pour obliger Rougette, ou pour être du moins en mesure de le faire. Car il ne lui semblait pas prouvé que la demande adressée au baron produisît l'effet désirable. C'était de la part d'un étudiant beaucoup de charité, à vrai dire, que de s'engager ainsi pour une inconnue. Mais Eugène croyait en Dieu. Toute bonne action lui semblait nécessaire. Le premier visage qu'il aperçut, en entrant chez le barbier, fut celui de son ami Marcel, assis devant une toilette, une serviette au cou, et feignant de se faire coiffer. Le pauvre garçon venait peut-être chercher de quoi payer son souper de la veille. Il semblait fort préoccupé, et fronçait les sourcils d'un air peu satisfait. Tandis que le coiffeur, feignant de son côté de lui passer dans les cheveux un fer parfaitement froid, lui parlait à demi-voix, dans son accent gascon. Devant une autre toilette, dans un petit cabinet, se tenait assis, également affublé d'une serviette, un étranger fort inquiet, regardant sans cesse de côté et d'autre, et par la porte entr'ouverte de l'arrière-boutique, on apercevait, dans une vieille psyché, la silhouette passablement maigre d'une jeune fille qui, aidée de la femme du coiffeur, essayait une robe à carreaux écossais. « Que viens-tu faire ici à cette heure ?» s'écria Marcel, dont la figure reprit l'expression de sa bonne humeur habituelle dès qu'il reconnut son ami. Eugène s'assit près de la toilette et expliqua en peu de mots la rencontre qu'il avait faite et le dessein qui l'amenait. « Ma foi, dit Marcel, tu es bien candide. De quoi te mêles-tu, puisqu'il y a un baron? Tu as vu une jeune fille intéressante qui éprouvait le besoin de prendre quelque nourriture. Tu lui as payé un poulet froid, c'est digne de toi, il n'y a rien à dire. Tu n'exiges d'elle aucune reconnaissance, l'incognito te plaît, c'est héroïque. Mais aller plus loin, c'est de la chevalerie. Engager sa montre ou sa signature pour une lingère que protège un baron, et que l'on n'a pas l'honneur de fréquenter, cela ne s'est pratiqué, de mémoire humaine, que dans la bibliothèque bleue. Ris de moi si tu veux, répondit Eugène. Je sais qu'il y a dans ce monde beaucoup plus de malheureux que je n'en puis soulager. Ceux que je ne connais pas, je les plains. Mais si j'en vois un, il faut que je l'aide. Il m'est impossible, quoi que je fasse, de rester indifférent devant la souffrance. Ma charité ne va pas jusqu'à chercher les pauvres. Je ne suis pas assez riche pour cela. Mais quand je les trouve, je fais l'aumône. « En ce cas, reprit Marcel, tu as fort à faire. Il n'en manque pas dans ce pays. »« Qu'importe, dit Eugène, encore ému du spectacle dont il venait d'être témoin. Vaut-il mieux laisser mourir les gens et passer son chemin? Cette malheureuse est une étourdie, une folle, tout ce que tu voudras. Elle ne mérite peut-être pas la compassion qu'elle fait naître. Mais cette compassion, je la sens. Vaut-il mieux agir comme ses bonnes amies, qui déjà ne semblent pas plus se soucier d'elle que si elle n'était plus au monde, et qui l'aidaient hier à se ruiner? À qui peut-elle avoir recours? À un étranger qui allumera un cigare avec sa lettre? Ou à Mademoiselle Pinson, je suppose, qui soupe en ville et danse de tout son cœur, pendant que sa compagne meurt de faim? Je t'avoue, mon cher Marcel, que tout cela, bien sincèrement, me fait horreur. Cette petite évaporée d'hier soir, avec sa chanson et ses quolibets, riant et babillant chez toi, au moment même où l'autre, l'héroïne de son conte, expire dans un grenier, me soulève le cœur. Vivre ainsi en amie, presque en sœur, pendant des jours et des semaines, courir les théâtres, les bals, les cafés, et ne pas savoir le lendemain si l'une est morte et l'autre en vie, c'est pis que l'indifférence des égoïstes. C'est l'insensibilité de la brute. Ta demoiselle Pinson est un monstre. Et tes grisettes que tu vantes, ces mœurs sans vergogne, ces amitiés sans âme, je ne sais rien d'aussi méprisable. Le barbier, qui, pendant ses discours, avait écouté en silence, et continuait de promener son fer froid sur la tête de Marcel, sourit d'un air malin lorsque Gêne se tut. Tour à tour bavard comme une pie, ou plutôt comme un perruquier qu'il était, lorsqu'il s'agissait de méchants propos, taciturne et laconique comme un spartiate, dès que les affaires étaient en jeu, il avait adopté la prudente habitude de laisser toujours d'abord parler ses pratiques, avant de mêler son mot à la conversation. L'indignation qu'exprimait Eugène en termes si violents lui fit toutefois rompre le silence. « Vous êtes sévère, monsieur, » dit-il en riant et en gasconnant. « J'ai l'honneur de coiffer mademoiselle Mimi, et je crois que c'est une fort excellente personne. » « Oui, » dit Eugène. « Excellente, en effet, s'il est question de boire et de fumer. »« Possible, » reprit le barbier. « Je ne dis pas non. Les jeunes personnes, ça rit, ça chante, ça fume, mais il y en a qui ont du cœur. »« Où voulez-vous en venir, père Cadedi ?» demanda Marcel. « Pas tant de diplomatie, expliquez-vous tout net. »« Je veux dire, » répliqua le barbier en montrant l'arrière-boutique, « qu'il y a là, pendu à un clou, une petite robe de soie noire que ces messieurs connaissent sans doute, s'ils connaissent la propriétaire, car elle ne possède pas une garde-robe très compliquée. Mademoiselle Mimi m'a envoyé cette robe ce matin au petit jour, et je présume que, si elle n'est pas venue au secours de la petite rougette, c'est qu'elle-même ne roule pas sur l'or. » « Voilà qui est curieux, » dit Marcel, se levant et entrant dans l'arrière-boutique, sans égard pour la pauvre femme au carreau écossais. « La chanson de Mimi en a donc menti, puisqu'elle met sa robe en gage? Mais avec quoi diable fera-t-elle ses visites à présent? Elle ne va donc pas dans le monde aujourd'hui ?» Eugène avait suivi son ami. Le barbier ne les trompait pas. Dans un coin poudreux, au milieu d'autres hardes de toute espèce, était humblement et tristement suspendue l'unique robe de Mademoiselle Pinson. « C'est bien cela, » dit Marcel. « Je reconnais ce vêtement pour l'avoir vu tout neuf il y a 18 mois. C'est la robe de chambre, l'amazone et l'uniforme de parade de Mimi. Il doit y avoir à la manche gauche une petite tache grosse comme une pièce de 5 sous, causée par le vin de champagne. Et combien avez-vous prêté là-dessus, père Cadedi? Car je suppose que cette robe n'est pas vendue, et qu'elle ne se trouve dans ce boudoir qu'en qualité de nantissement. « J'ai prêté 4 francs, » répondit le barbier. « Et je vous assure, monsieur, que c'est pure charité. À tout autre, je n'aurais pas avancé plus de 40 sous, car la pièce est diablement mûre. On y voit à travers, c'est une lanterne magique. Mais je sais que mademoiselle Mimi me paiera. Elle est bonne pour 4 francs. » « Pauvre Mimi, » reprit Marcel. « Je gagerai tout de suite mon bonnet, qu'elle n'a emprunté cette petite somme que pour l'envoyer à Rougette. Ou pour payer quelques dettes criardes, dit Eugène. Non, dit Marcel. Je connais Mimi. Je la crois incapable de se dépouiller pour un créancier. Possible encore, dit le barbier. J'ai connu mademoiselle Mimi dans une position meilleure que celle où elle se trouve actuellement. Elle avait alors un grand nombre de dettes. On se présentait journellement chez elle pour saisir ce qu'elle possédait, et on avait fini en effet par lui prendre tous ses meubles, excepté son lit, car ces messieurs savent, sans doute, qu'on ne prend pas le lit d'un débiteur. Or, Mademoiselle Mimi avait dans ce temps-là quatre robes fort convenables. Elle les mettait toutes les quatre l'une sur l'autre, et elle couchait avec pour qu'on ne les saisît pas. C'est pourquoi je serais surpris si, n'ayant plus qu'une seule robe aujourd'hui, elle l'engageait pour payer quelqu'un. « Pauvre Mimi !» répéta Marcel. « Mais en vérité, comment s'arrange-t-elle ? Elle a donc trompé ses amis ? Elle possède donc un vêtement inconnu ? Peut-être se trouve-t-elle malade d'avoir trop mangé de galettes, et en effet, si elle est au lit, elle n'a que faire de s'habiller. N'importe. Père Cadédi, cette robe me fait peine. Avec ses manches pendantes qui ont l'air de demander grâce. Tenez, retranchez-moi 4 francs sur les 35 livres que vous venez de m'avancer, et mettez-moi cette robe dans une serviette, que je la rapporte à cet enfant. Eh bien, Eugène, continua-t-il, que dit à cela ta charité chrétienne ? Que tu as raison, répondit Eugène, de parler et d'agir comme tu fais. Mais que je n'ai peut-être pas tort. J'en fais le pari, si tu veux. Soit, dit Marcel. Parions un cigare, comme les membres du Jockey Club. Aussi bien, tu n'as plus que faire ici. J'ai 31 francs, nous sommes riches. Allons de ce pas chez Mademoiselle Pinson. Je suis curieux de la voir. Il mit la robe sous son bras, et tous deux sortirent de la boutique. Fin du chapitre 6.